Les CZ, les CR, les saisies sur salaire, les mi-temps, les temps pleins, pas de vacances à Salou. Tu pépons, y'a le peupon, un coup de trop, c'est sale. La cité de Zizu, les hommes ou les salopes, le trafic, les terrains, une ouvreuse, un gofasse. Le bénéf, le train vire remonté par nos faces. La racaille en tendance, sous CP compagnie. J'suis solo, pas de poteau, un neuf comme compagnon. C'est la rue, c'est les hommes, c'est Taïa Jazz, y'a Iran, pas peu, j'me fais rare comme Jamon du Zahir. Faut plein faire sur l'avenir, j'enclenche les phares. C'est non, c'est la cause, c'est TN, en fort qu'Eric Zemmour. C'est Marseille, c'est 1-3, secteur criminogène. Des cagoules, une émeute, ça gaz lacrymogène. On baisse tout en kicker, porté comme flash ball. C'est Cisa, c'est nous, EVG, Marie, comme barbale. Là, j'baisse tout, j'suis comme Hust, enfoiré. J'ai 3 gadgets, t'es qu'aussi plein à feu foiré. Sous ballon, on sait pas parler de la soirée. Ça fait un bail qu'elles font plus de manière, c'est carré. Devenir comme c'est Hassan, on se 43 où je la sors. Ça m'arrange que je prends la place. Je suis venu, je nique tout, je t'assure. J'ai revu les principes, j'ai revu les valeurs. Je peux plus leur donner l'heure, ni ma haine, ni mon cœur. J'ai fait le tour du secteur de minuit à 7h. J'ai vu ce qu'il est crawler, les bandeurs, les chanteurs. La seule à le mousseau, t'enroules un, tu tousses. C'est pour ceux qu'on perçait dans Haja sans laisser, qu'on maillait sans tiercer. Les frérots qu'on poussait à miner, nous nouer que de la CMRC. Pour le bif que je fais la night. Y'a que pour la mif que je sors le nine. Vert jaune et mauve, les billets pleuvent. Oh, les jaloux font ce qu'ils peuvent. Dans l'enveloppe qu'on level up. Dans l'enveloppe qu'on level up. Je compte plus le bif que j'ai fait toute la nuit. J'ai encore moins les tests que j'ai fait dans la croche. Et je compte plus les frères, j'en ai perdu la moitié. De quartier en quartier, les gars, ils l'ont caché. Je compte pas quand je donne, j'attends pas contrepartie. Je compte pas les putes qu'on parlait quand t'es parti. Je compte pas l'amour pour mes moines à débattre. De B.A.N.G, c'est le but dans la partie. Affaire classée. C'est le 3 Marseille, c'était Carter. On te fait danser. Le bitume pierre au plancher. Affaire classée. T'es trop teasé, t'es même plus visé. On te fait danser. Ça brûle, brûle, presque tous les quarts d'heure. J'ai la corniche. J'attire les folles, j'y repars. On est Kapovic. On arrive comme l'ange de la mort. J'suis sur la corniche. J'attire les folles, j'y repars. On est Kapovic. On arrive comme l'ange de la mort. J'arrache tout, dis-moi qui peut m'arrêter. On creuse les cars, j'attends pas le top départ, c'est le premier arrivé. Oui, c'est nous, tous les jours en bas du B. On fait du biff et on visse les balles, c'est mieux d'en faire entrer. J'suis dans ça, moi. Ça détaille dans l'avocat pour des clips de qualité. Appelle-moi Tony, que je vais leur montrer comment faire. Et si c'est réel, y'a pas de cinéma, à qui tu vas manquer. À qui à part maman qui soignera mes peines. Ça tire fort, ça arrache plus les chaînes. Si t'as besoin, je me démerde même quand j'ai pas. J'aime pas voir mes frérots en chien. C'est ma cilia, je sais pas si t'as capté. Trop technique, ça va vite, faut rester concentré. En mode cassage de nuque ou gros taquet. Polyvalent, c'est mon resto, Luis Enrique. J'm'aillerai pas sans mes gars. Jamais. Parle pas de moi si je t'aime pas. J'fais ce qu'il est vil si tout le temps focus, j'suis comme Mera. C'est la défense, la porte du succès on la défense. Tête de mort sur le drapeau, ces bâtards veulent ma peau parce que pour eux je suis une menace. Que des malades mais c'est pas l'asile. Tout ça la fuite du bifton. T'entends le bruit du moteur, le bruit du parpa, t'entends le bruit des pimpants. C'est Marseille, pas Hollywood. Y'a personne qui joue un rôle. Viens faire un tour, le bruit et l'odeur, ça va faire tout drôle. Sur nos terrains, c'est plata au plomb, on s'achoute, ça shoot, pas d'appareil photo. Ça fait Gucci, Yoji, Yamamoto, ça promène, normal, guitare et moto. Guitare et moto. Mets ton pare-balles, c'est ma c'est trop garbo. J'arrive capuché, pété dans le lambeau. J'arrive matrixé comme si j'avais pas de sous. Comme si j'avais pas one, pas one. Ils ont le nez dans la coco, taïs dans la boco. J'écoute sur le choco, nique sa mère. Je suis né dans le bloco, viens sur votre coco. Dans le fut le gloco, nique sa mère. J'suis en Air Max, sur le T-Max. Toujours un couteau dans la sacoche. J'suis en Air Max, sur le T-Max. Toujours un couteau dans la sacoche. Ils connaissent les condés, ils ont mon ADN. Ils sont venus gander sur un KTM. Aïe aveu, j'suis là sous ton personne. Que des scènes de crime sur le BPM. J'viens de la Castellane, 13-16, mon ami. Connu pour vendre la frappe et éteindre nos ennemis. On fait la météo, on fait tomber la pluie. Comme les chauves-souris, on se déploie que la nuit. J'la vois faire la mémé. Elle pue les cailles de poisson. Si on peut pas te toucher, on te fera boire le poison. Et tu nous vas débouler. On te fait monter la pression. T'approches pas du checkson. Ou tu finis en glaçon. La prod elle est bonne, je vais lui faire un gosse. Oui des fois je dérive mais c'est pour la cause. Oh, baisse d'un ton quand tu causes. Et n'oublie jamais qu'on est les boss de tes boss. C'est le phénomène, on fait nous-mêmes, on fait l'homme. 3 albums minimum, 30 minutes, un vélodrome. Ça fait dit dame, ça fait ding dong. Eh ben dit dong, j'en fais une Kim Jong. Je suis en toi tour comme King Kong. Le pic fuse comme au ping pong. Je crois au bon dieu, pas de piton, pas de viton. Que des TP, pas de mi-temps. Je fais mon taf tout dans les temps. Je fais ma semaine et je m'éteins. On s'est vu petit même plus, on se dit bonjour. Ces petites folles quand je les vois, ils font genre. Mais ils sont faux chargés. Si on joue, si tu crois que tu mords gros, je te choque encore. Affaire classée. J'ai rien à voir, ils veulent que je plaide coupable. On te fait danser. R1 Cascarail, je soulève la moto. Affaire classée. Gare cramée sous une cagoule noire. On te fait danser. Sur la corniche. J'attire les folles, les gyrophares, en Akrapovic. On arrive comme l'ange de la mort, juste sur la corniche. J'attire les folles, les gyrophares, en Akrapovic. On arrive comme l'ange de la mort.